Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Enfant, Lodvig Allard passe le plus clair de son temps sur la plage située à quelques mètres de sa maison. Il apprend à aimer le vent, les embruns, la mer du Nord et ses humeurs. Plus tard, il est attiré par le large et les envies de voyage et de découverte qui l'amènent à vibrer sur les eaux du monde. Quand il n'est pas en France, Lodvig enseigne le français à l'étranger et voyage pour être le plus proche des gens et des paysages. Je l'ai rencontré sur le stand de Transboréal, où il a récemment publié un livre qui relate son aventure en kayak sur le Danube. Bonjour Lodvig. Bonjour Alex. Moi je m'appelle Lodvig Allard. Je viens de Dunkerque, à l'extrémité de notre hexagone. J'ai grandi là-bas, sur la côte de la mer du Nord, face à l'horizon, aux embruns, etc. Et puis c'est vrai que de cette situation géographique, j'ai eu envie de partir, d'aller vers d'autres horizons, justement. Et puis je suis parti quand j'ai eu 18 ans. Je suis parti à l'étranger, je ne suis pas parti bien loin, je suis parti aux Pays-Bas. Et j'ai vécu plusieurs années, 4 ans en Hollande. Et c'était pas un voyage d'aventure, mais c'était un voyage d'immersion culturelle. Et quand j'ai habité là-bas, j'ai découvert, j'ai appris à vivre l'autre, l'étranger aussi, en restant en restant plus ou moins sur un périmètre assez restreint. Et c'était une expérience très forte qui m'a encouragé après à poursuivre, à continuer à voyager. Et j'ai trouvé comme moyen pour voyager d'être enseignant de français langue étrangère. Et ça, c'était génial parce que j'étais à l'étranger. Bon, en même temps, je travaillais, mais ça me permettait aussi, quand j'avais une ouverture le week-end ou la semaine, d'aller à droite, à gauche, d'aller découvrir des gens. Et puis j'avais quelques connaissances. Et puis quand je partais, les gens que je côtoyais, que ce soit les amis, les collègues, m'emmenaient avec eux et me faisaient découvrir vraiment le cœur des pays dans lesquels j'habitais. Et c'était merveilleux parce que j'allais vraiment au cœur des choses et c'était des voyages en profondeur, vraiment. Avant, tu parlais de terreau familial. Est-ce que dans ton terreau à toi, il y avait déjà les graines du voyage qui y étaient plantées ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ? Je crois que déjà, la géographie a eu une influence sur mon goût du voyage. Et il y a aussi, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai eu la chance, durant mon enfance, de voyager. Mes parents m'emmenaient presque chaque été ailleurs parce que ma mère avait ce goût du voyage aussi, mon père aussi. Et on partait sur des destinations, somme toute, pas très forcément toujours exotiques. Mais déjà, le fait de briser l'habitude du quotidien, de briser les automatismes, de changer de repère, d'être face à d'autres manières de vivre sa vie, de vivre sa culture, c'était une manière déjà d'aller vers un ailleurs, quoi, même si cet ailleurs-là était assez proche. Mert a bodrok partját csigajárja, ágaskodik a szorvájas, hogyha fogom kis markomba a szorváját, visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján lejtek faromat riszálván, minden legény szemet átva ágaskodik a szorvája örömemre. Mert ahány deják vagy úrféle megfütykölne, tova lépne, velem tengőt ne akasszon, nem kell nékem bába asszony szégyenemre. Hát de mennyi kényes, döjfös kokas, jobb nekem egy vargainas, csirizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre. Après, j'ai habité pendant 4 ans, durant 4 ans aux Pays-Bas. Après, je suis parti vivre en Hongrie. Alors là, j'ai découvert une autre Europe, une Europe que j'ignorais totalement. Ça se trouve à 2 heures de Paris et pourtant, on ne connaît pas ce coin-là du monde. Quelquefois, on va chercher l'exotisme sur une île du Pacifique, à l'autre bout du monde, et pourtant, je me suis rendu compte que l'exotisme existait à notre porte. Et j'ai pu voyager dans les Carpates, dans la Pusta Madiar, en Transylvanie, dans les Balkans. J'ai découvert les villes de Sarajevo, de Belgrade, la ville de Budapest, etc. Et la Roumanie aussi. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin dans la découverte de ces régions-là. Comme je le disais, j'étais enseignant donc de français langue étrangère en Hongrie. Et là, j'ai décidé de partir sur le Danube. Il faut dire aussi que ce qui m'a motivé à partir sur le Danube, c'est tout simplement la rencontre avec ce fleuve. Parce qu'en Hongrie, il n'y a pas de rivage pour porter son regard au loin. Il n'y a pas de montagne pour prendre du recul, de l'altitude. C'est une géographie assez particulière, une géographie assez close. Et avec le temps, j'avais l'impression que je m'enlisais un peu dans cette terre magyare. C'est une terre immobile. Et de voir le Danube comme ça fendre la paresse du sol, fendre l'immobilisme, c'était pour moi non pas une invitation, mais une injonction au voyage, à laquelle j'ai pas pu résister. Et là, ça m'a trotté dans la tête durant plus de 2 ans. Et je me suis dit comment je pourrais aller à la rencontre de ces régions que je connaissais un peu. Et là, tout à coup, j'ai eu l'évidence même devant moi, c'était le Danube. Donc là, je me suis dit, je vais acheter un kayak. Et j'ai proposé de partir à l'aventure avec ma compagne, qui a réfléchi un peu, et puis qui a dit, oui, moi, je veux bien partir avec toi. Donc on s'est acheté 2 kayaks, et on est parti à l'aventure, dans le but donc de descendre le Danube. Et ensuite, on s'est dit, quand on sera au bout du Danube, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que c'est une fin en soi, le Danube? On avait envie d'aller découvrir cette extrémité de l'Europe, parce qu'on est sur la péninsule balkanique, hein, c'est le nom. Et on avait l'envie de découvrir toute cette péninsule dans son intégralité. Et on s'est dit, le meilleur moyen de découvrir la péninsule dans son intégralité, c'est d'aller jusqu'au bout de cette péninsule. Et l'extrémité de cette péninsule, qui est aussi l'extrémité du continent européen, c'est Istanbul. Et on s'est dit, quand on va arriver dans le delta du Danube, en mer Noire, on continuera jusqu'à Istanbul en longeant la côte roumaine, bulgare et turque. Et c'est ce qui a donné naissance à cet ouvrage qu'on a là sous les yeux, Rivage de l'Est ? Oui, voilà. Alors ça, c'est un travail d'écriture de longue haleine, puisque c'est 5 ans d'écriture, de réflexion aussi, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. C'est d'abord une prise de notes. Moi, j'ai toujours une sensibilité à l'écriture. J'écrivais avant d'écrire ce récit-là. J'ai commencé avec la poésie, puis après j'ai écrit quelques nouvelles. Et moi, je m'imprègne complètement de l'univers que je traverse. Et pour moi, c'est une retranscription de mon émerveillement. Donc, quand moi, je m'émerveille quand je suis en kayak, j'essaye de retranscrire cet émerveillement, de le convertir sur la page. Et donc, le soir, à la lumière de la frontale, je prenais des notes chaque soir. Alors, c'est un exercice aussi qui n'est pas toujours facile parce qu'on est fatigué. Mais on prend des notes parce qu'on a été émerveillé par des choses, par des rencontres, par des paysages et puis aussi par des réflexions personnelles. Et on pose ça sur le papier. Donc, on a une matière brute. Hein, c'est un peu le bio du sculpteur qu'on construit. Au fil de l'eau, au fil de la pensée, et puis après, de retour, après réflexion, là, on va faire de ce bio une œuvre, qui est ce livre Rivage de l'Est. J'ai envie de m'intéresser un petit peu au quotidien. Donc, avec ta compagne, vous avez choisi de partir à l'aventure, donc qui dit aventure en kayak. Vous ne saviez pas quand allait se terminer le voyage, vous ne saviez pas où vous alliez passer vos nuits, vous étiez, j'imagine, aussi autonome. Comment ça s'est préparé, ce voyage, et comment... Quel était le quotidien versé par les eaux du Danube ? Alors, le voyage, déjà, c'est un an de préparation, même voire 2 ans. C'est un an de réflexion, d'abord. Un voyage, ça se pense d'abord, ça mûrit. Et puis après, quand il a bien mûri, c'est là que commence l'organisation. C'est ce qu'on appelle la préparation logistique. Et donc là, bon, c'est des choses un peu plus prosaïques, puisqu'on se dit comment on va faire. Donc on a le moyen de transport, après on a le parcours, donc on prend une carte, on regarde la carte, et puis après on regarde par exemple les points de ravitaillement. Parce que bon, il faut penser, quand on est dans un voyage en kayak comme ça, il faut penser au principe essentiel de l'existence, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Ça, c'est la base. On se dit où je vais dormir le soir, ou comment je vais dormir, donc là c'est la tente, comment je vais me ravitailler, donc là on regarde les villages qui se trouvent sur le tracé du Danube, et puis pour l'eau, bah, tout simplement trouver de l'eau dans les épiceries qui n'étaient pas toujours très fréquentes, ou bien on prenait l'eau du Danube avec l'aide d'un filtre. Voilà, donc ça c'est la préparation logistique, et puis après voilà, on se laisse porter tout simplement. Le départ, c'est toujours très difficile. Et la semaine de transition est cruciale. Hein. C'est une semaine d'adaptation. C'est à travers elle qu'on va se débarrasser du vernis, essayer de briser les repères du quotidien, se défaire des automatismes, du poids de l'habitude, etc. Et c'est là qu'on va rentrer dans le voyage. Alors, moi, c'était marrant parce que la première semaine, il y a un tas de choses. C'est moi ce que j'appelle la semaine de catharsis. Enfin, ça peut durer plus longtemps pour certaines personnes. Et c'est une semaine où on va se défaire hein, de notre quotidien. Alors, par exemple, moi, il y a des chansons complètement absurdes qui me sortaient par la tête. Bon, voilà, il y a des musiques que j'écoute jamais, mais qui étaient rentrées dans mon cerveau et qui se vidaient. Voilà. Donc je me purge, c'est une purge, c'est ça, c'est un travail d'ascétisme finalement. Et après, quand on a fait cette purge, on s'est vidé, c'est très fatigant. Mais après, on se régénère. On se régénère grâce à l'émerveillement. On convoque son attention au monde. Et puis, il y a la beauté du monde, tout simplement. Hein. On redevient attentif. On fait peau neuve. J'aime bien cette idée de faire peau neuve, puisqu'on effectue une métamorphose. Donc, on change, on sort de sa chrysalide, pardon. On fait peau neuve. Et là, on découvre des choses qu'on avait peut-être oubliées. On s'émerveille. Devant un nuage qui passe dans le ciel, devant une petite coccinelle qui monte sur un brin d'herbe ou du bruissement des feuilles dans les arbres. Et là, on redécouvre un monde. Et comme si notre regard, on récupère son regard d'enfant, comme si notre regard n'avait pas été usé par le poids des automatismes et de l'habitude, justement. Et pour retrouver cette sensibilité, le voyage est pour toi un outil qui permet justement de recréer du lien à l'essentiel? Oui, bien sûr. Oui. C'est un retour aux sources et c'est aussi un moyen d'être plus en phase avec le rythme du monde, parce que nous avons des vies qui sont, à mon avis, décalées du rythme du monde. Nous avons un rythme très soutenu, hein, nous avons très peu de temps, ce qui génère d'ailleurs chez beaucoup et chez moi aussi quand je rentre un stress. Voilà, donc laisser place à la lenteur, c'est essentiel, à la lenteur. À l'émerveillement, c'est une manière d'être plus en phase avec soi-même, puisque nous sommes issus de la nature, nous sommes une espèce, nous sommes des êtres forgés par la nature, et revenir à la nature, c'est tout simplement revenir à ses racines, à ses origines, et être en phase avec ce qu'on est, tout simplement. Et ça, c'est ce que tu as découvert ou c'est ce que tu recherchais avant de partir ? Et bien ça, c'est ce que je crois que j'avais eu des signes en habitant... j'avais reçu des signes en habitant près de la mer. J'ai grandi aussi, j'ai joué dans les dunes toute mon enfance. J'étais peut-être sans m'en rendre compte, certainement d'ailleurs. J'étais sensible à cette musique du monde. Et je l'ai revécu, je l'ai redécouverte lors de mes premiers voyages. Et puis j'ai eu le virus. Je me suis dit, ça c'est la manière la plus saine de vivre que d'être en harmonie avec la nature. C'est la logique même. Et donc, c'est devenu un virus. Et puis maintenant, c'est ce que je recherche. Et j'en ai même fait mon mode de vie, puisque j'essaye de vivre, comme je te le disais tout à l'heure, je travaille à l'étranger, j'essaye de vivre le plus souvent possible. Et moi, ce que je recherche aussi dans le voyage, c'est le mouvement. Et le mouvement du corps et aussi le mouvement de la pensée, d'être en mouvement avec soi-même et d'être en mouvement vers l'autre aussi. D'essayer de développer cet état d'éveil, cette faculté à être disposé à recevoir ce qui nous entoure, que ce soit l'émerveillement ou les rencontres. Ce qu'il y a de formidable avec le Danube, c'est que c'est un fleuve extrêmement cosmopolite. C'est d'ailleurs le fleuve le plus cosmopolite au monde, puisqu'il traverse au total 10 pays. Et 10 pays qui sont extrêmement variés du point de vue du paysage. Par exemple, moi je suis parti de Hongrie. Alors la Hongrie, c'est une grande plaine, c'est la Pusta Magyar, comme on l'appelle. C'est une grande steppe herbeuse, donc là on a le regard qui se perd... dans l'immensité de la Pusta. Et puis après, par exemple, quand on arrive en Bulgarie, le relief devient un peu plus abrupt. On arrive sur le plateau bulgare. Donc là, c'est le relief, le regard qui s'élève avec ces falaises, ces débuts de montagne. Et on se dirige lentement vers les Carpates, vers l'extrémité méridionale des Carpates. C'est ce passage... assez fabuleux, qui s'appelle les portes de fer, c'est cette boucle en Serbie, et là c'est vraiment fantastique, et ça m'a emporté, puisque le Danube qui fait 2 km de large, ici se rétrécit sur seulement 150 mètres de large, et il doit passer dans un étroit corridor au milieu de gorges, qui elles, ce sont des parois de plusieurs centaines de mètres. Et donc on se retrouve au milieu de ce paysage qui est complètement fabuleux. On a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Je parlais d'exotisme tout à l'heure, mais là on a vraiment l'impression d'être perdu je ne sais pas où, en Asie peut-être, mais on est seulement à 2 heures de Paris. Donc le dépaysement est total. Et puis il y a le delta du Danube, on arrive dans ce que les Roumains appellent les tropiques de l'Europe. Et là, c'est un dédale, un méandre de roselières, de marais, etc., avec des villages perdus au milieu enfin, perdu aux confins de l'Europe, et c'est fabuleux. Il y a d'ailleurs les vieux croyants, l'hypovène, qui sont venus se réfugier là parce qu'ils étaient sûrs d'être tranquilles, parce que dans certains villages on n'accède qu'en bateau, on a vraiment l'impression d'être ailleurs, et ce sont des coins qui revêtent le caractère magique des confins. Moi, j'aime bien cette idée de confins, on est dans les marges, on est à l'extrémité, et on est à l'extrémité de cette autre Europe. Mode de déplacement que tu as choisi, hein, c'est le kayak. Hein. Donc pourquoi est-ce que tu as privilégié ce moyen-là pour te déplacer ? Alors le kayak, c'est un hymne à la lenteur. Déjà, c'est un point essentiel pour moi, puisque la lenteur convoque l'émerveillement. Voilà, c'est quelque chose auquel on n'accède pas forcément quand on utilise un moyen de déplacement motorisé. Donc, pour moi, le kayak, c'était un moyen déjà d'aller plus lentement, donc d'être plus attentif à ce qu'on va découvrir. Et puis le kayak permet aussi d'associer l'autre, disons la géographie du sol à sa géographie propre, à sa géographie humaine. Et ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on se déplace comme ça, on se souvient d'exactement tout, hein, mais c'est pas un souvenir temporel, c'est un souvenir sensible. C'est un souvenir humain. On se souvient par exemple que lorsque le soleil était à la verticale, à ce moment-là, ben, on était dans telle région. Ou bien lorsque on a eu très froid, on était à cet endroit-là du Danube. Donc voilà, c'est ça qui est merveilleux avec le kayak ou même avec la marche par exemple, c'est que on est en phase avec le rythme de l'eau, avec le rythme du monde. Sur tes déplacements sur le Danube, est-ce qu'on croise beaucoup de monde, beaucoup de bateaux, d'autres gens en kayak ? Est-ce qu'on passe des journées en solitaire ? Quel va être le rythme des rencontres ? C'est très contrasté, ça dépend des régions, ça dépend des passages du Danube. Alors quelquefois, on peut se retrouver dans certaines petites villes, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses villes hein, le long du Danube, c'est toujours des petites villes. Alors bon, bah là, c'est vrai qu'on peut rencontrer du monde. Quelquefois, il y a des bateaux, c'est quand même un fleuve navigable, donc on croise quelques bateaux, quelques barges chargées de minerais, chargées de voitures. Et puis, quelquefois, on est complètement isolé. Hein, quelquefois, on peut avoir une semaine d'autonomie complète à rencontrer très peu de personnes. On rencontre un berger, on se demande d'où il vient. Il surgit d'un bosquet et avec quelques porcs. Et il n'y a pas un village à des kilomètres à la ronde. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et c'est vraiment, et surtout en Roumanie, qui est un pays en comparaison avec d'autres pays d'Europe, qui est très rural, très peu peuplé. Et donc en Roumanie, vraiment, on avait l'impression d'être complètement isolé. Et puis quelquefois, voilà, on voit quelques gens, quelques personnes, quelques bateaux. Mais c'est très contrasté et en même temps, c'est agréable, c'est rassurant parce que quand on est isolé, c'est bien parce qu'on se retrouve avec soi-même, on se retrouve dans notre intimité personnelle. Et puis quand il y a des gens, c'est une rencontre vers l'autre aussi. Et puis un voyage, c'est pas seulement pour soi qu'on le fait, c'est aussi pour aller vers l'autre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et la notion de rencontre dans ce voyage à travers les Balkans était essentielle pour nous. Et donc sur votre aventure, combien de temps vous êtes laissé dériver au fil de l'eau ? Nous sommes partis le 1er juillet 2007 et nous avons pagayé jusqu'à l'extrémité du Danube jusqu'en août 2007, donc 2 mois sur le Danube. Puis ensuite il y a 1 mois et demi de navigation sur la mer Noire, donc un total 3 mois et demi de navigation à travers le Danube et la mer Noire. 3 mois et demi sur 2500 km à la force des points. Pour atteindre Istanbul. Pour atteindre Istanbul, comme je disais tout à l'heure, l'extrémité de l'Europe. Et le croisement entre les deux continents. Et le croisement entre le face-à-face géographique entre l'Asie et l'Europe, voilà, qui est vraiment... c'est une rencontre fabuleuse, le Bosphore, parce que là, on se retrouve, on longe un littoral pendant 800 km. Toujours donc une barrière, une façade, hein, toujours une façade, que ce soit des plages ou des falaises. Et puis d'un coup, il y a une brèche dans cette falaise, et ça, c'est le Bosphore. Et là, l'entrée sur le Bosphore est magique, et en même temps, elle est très difficile, puisque c'est la route maritime, l'une des routes maritimes les plus employées au monde. Et donc là, c'est un chaos total, myriades d'embarcations qui se croisent, chalutiers, porte-containers, bateaux-restaurants, bateaux de plaisance, bateaux-taxi, etc. Et nous, au milieu de tout ça, avec en même temps les pêcheurs, c'était une journée complètement folle. Et c'est une journée de 12 heures, l'une des plus harassantes. Mais quand on arrive au bout du Bosphore et que l'on voit la lune se refléter dans la mer de Marmara et qu'on entend... le chant des muezzins sur la vieille ville, sur la vieille cité, dans la Corne d'Or, c'est une récompense qui n'a pas de prix. Je vais juste finir sur, tu en as parlé en partie, mais ta définition du voyage, qu'est-ce que c'est pour toi le voyage, qu'est-ce que ça apporte ? Mais le voyage, pour moi, c'est l'émerveillement. L'émerveillement, c'est un voyage vers l'autre. Et voilà, c'est une ouverture vers l'autre. C'est un moyen aussi de briser les principes établis. Il n'y a rien de moins sûr que ce qu'on sait déjà. Et j'aime bien partir de ce principe-là. Et donc j'aime bien en permanence me remettre en question et partir dans une culture que l'on ne connaît pas, découvrir d'autres préceptes, d'autres façons de faire. C'est une manière de se remettre en question, de réajuster un peu, de se dire finalement ça, cette manière de faire là, c'est pas vraiment la meilleure, de garder ce qu'il y a de bon en nous, de ce qu'il y a bon dans notre culture, et puis de mettre de côté ce qu'il y a de moins bon. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardailleurs.org.